Colette Baudoche, livre audio gratuit, Histoire d'une jeune fille de Metz, par Maurice Barrès. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.common.org. La première édition de Colette Baudoche parut en 1808. Ce roman fait suite au Service de l'Allemagne, publié en 1905, qui inaugurait la série des Bastions de l'Est. Barrès y défend la langue française et sa culture, et face à ce qu'il appelle le barbare prussien, son nationalisme est souvent intransigeant et empreint de mauvaise foi. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Lorraine sont allemandes depuis 1870. Elles seront libérées en 1918, puis reconquises par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre. Maurice Barrès écrivit Colette Baudoche pendant un séjour à Metz, en Lorraine. Au mois d'août 1911, sur l'invitation des chefs de la résistance lorraine, il se rendit de nouveau à Metz, afin d'y prononcer un discours, affirmant ainsi sa foi en l'avenir. En avant, ayant confiance dans la puissance de la vie qui s'exhale du tertre des héros, c'est une vie plus forte qu'aucune politique. À Monsieur Frédéric Masson, Charles-sur-Moselle, le 1er octobre 9008. Mon cher ami, je vous offre ici l'ouvrage où je crois avoir le mieux mêlé les images que je trouve en fermant les yeux et celles que j'ai recueillies d'après nature. Vous m'avez fait le plaisir d'aimer le service de l'Allemagne. Colette Baudoche est la sœur de l'Alsacien Hermann. L'un et l'autre, j'ai essayé de les présenter avec les mots les plus unis et sans aucun artifice, pour ne pas diminuer devant le lecteur une position d'un romanesque si vrai. Vous qui vivez pour amener la lumière sur toutes les parties d'une figure colossale, vous reconnaîtrez, je crois, dans ces deux jeunes gens quelques-unes des vertus avec lesquelles votre héros fit de l'épopée. J'ai voulu décrire les sentiments des récentes générations d'Alsace, de Lorraine et de Metz à l'égard des vainqueurs. J'admire en elles ce qui me paraît le signe d'une humanité supérieure, la volonté de ne pas subir, la volonté de n'accepter que ce qui s'accorde avec leurs sentiments intérieurs. Ces captifs et ces captives continuent d'ajouter au capital cornélien de la France. J'ai tenté d'incorporer à notre littérature les grands exemples de constance et de fierté qu'ils fournissent chaque jour là-bas, afin que leur vertu continue de s'exercer au milieu de nous. Le public dira si j'ai réussi. Pour vous, mon cher ami, de qui l'indulgence m'est acquise depuis 25 ans, vous trouverez au moins dans ce livre un témoignage de ma fidèle affection. Signé Maurice Barrès.